m'importe encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Chérie Zen, c'est votre moment. Every day, you are the one who I, every day, while Chérie FM, il est pile minuit. Bon lundi de Pâques avec les plus belles musiques non-stop de Sheryl Crow, Lady Gaga et Cabrel. D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouve seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière, mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Les mêmes endroits, deux fois trop grands, t'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Letters on the sky.